Chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit : Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit : Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel : Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Hénoch, Palou, Hezron et Carmi. Voilà les clans de Ruben. Fils de Siméon, Yémuel, Yamin, Oad, Yakin et Tsoar, et Saül, fils de la Cananéenne. Voilà les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs lignées. Gershon, Kehat et Merari. La durée de la vie de Lévi fut de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leur clan. Fils de Kehat, Amram, Yitzéar, Hébron et Uziel. La durée de la vie de Kehat fut de 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mouki. Voilà les clans de Lévi avec leurs lignées. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante. Elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la vie d'Amram fut de 137 ans. Fils de Yitzéar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Uziel, Michaël, Eltsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elikeba, fille d'Aminadab, sœur de Nachron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Voilà les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel. Elle lui donna pour fils Phinéas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leur clan. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit « Faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes armées. » Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui s'adressèrent au Pharaon roi d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel « Me voici avec des lèvres malhabiles. Comment le Pharaon m'écouterait-il ? »